Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des palmarès c'est fou pour la semaine du 23 au 29 septembre 2013. Oui, moi aussi, je suis du genre à ajouter des R partout. Salut, Steph. Salut, Mathieu. Ça va bien? Oh oui. Quelle belle chose gutturale. Donc, bienvenue, oui, à l'édition complète. On va passer 3 heures ensemble à entendre la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Ah, oh, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Oh, ça va être malade. On va savoir d'ici la fin de l'émission si les numéros 1 sont toujours du côté anglophone, The Cat Empire Brighter Than Gold. Et du côté francophone, est-ce que c'est encore Mister Valère et la pièce Don't Get Lost? Mm-hmm. Mm-hmm. On a aussi plusieurs chroniques, dont Palmer Rest in Peace, Un instant classique, C'était fou. Rien de moins. Oui, et quelques CD à gagner plus tard. Oh! On va avoir quelques nouvelles entrées à vous présenter, mais avant de les présenter, ben, on va entrer dans notre première heure. Hein? Voici les palmarès c'est fou, édition New Shit. Bonjour et bienvenue au palmarès c'est fou, édition New Shit pour la semaine du 23 au 29 septembre 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans cette première heure qui est remplie de nouveautés, hein, c'est l'idée derrière le titre. C'est quoi le titre, donc? New Shit. Oh. Et palmarès c'est fou, édition New Shit. Nouvelle marde. Là, je trouve que tu vas trop loin dans la vulgarité. Là. On est à une radio universitaire. Je l'ai juste traduit, mon cher. On comprend la même chose. Mais en anglais, personne ne comprend. Non, c'est vrai. C'est correct. On est toutes pas bilingues. Donc, nos nouvelles choses cette semaine du côté anglophone. Plus tard, on entendra Beja Bulat, MGMT et The Danks. Mm-hmm. Mm-hmm. Du côté francophone, d'autres nouvelles entrées, entre autres Mimi Van Der Glo, Claude Pelgag, les frères Goyette et Medi Cayenne Club. Mais on va débuter en 20e franco. Et c'est Tant pis pour nous de Bravo Funken. Pis ça, ben, c'est tant mieux pour vous parce que c'est bon du Bravo Funken, hein? Mais oui, tant pis. C'est négatif, c'est tant mieux. Vivez dans le positif. YOLO! YOLO! Ça, c'est pour les moins éduqués. Ou sinon, Carpe Diem, mes chers. J'aime ça, ça fait théâtral. Marcher seulement sur les craques du trottoir. Cueillir les fleurs qui poussent dans le noir. Cri des paillettes pour enterrer les morts. Retourner ses paupières à l'envers. Laisser les moineaux pondre dans ses cheveux. Se donner le hockey pour manquer d'air. Et si on parle en feu? Et si on parle en feu? Nouvelle entrée. Experimental Fiction, une nouvelle entrée en 20e place de leur album Gang. C'est le deuxième extrait de cet album-là. Et du côté francophone en 20e place, c'était Tant pis pour nous de Bravo Funken. Deux nouvelles positions en 20e place. Pas mal tout le temps, les nouvelles entrées en 20e place. Je dirais qu'on commence tout le temps par les ajouter en bas, les nouveautés. C'est bizarre. En général, on préfère ça comme ça. Bonne idée, ça. On trouve que commencer dans le bas de l'échelle, c'est normal pour tout le monde. C'est ça, c'est comme tu commencerais pas président d'une compagnie. Mais non, ou tu finis l'école, puis soudainement, t'es DG, tu sais, c'est bizarre. C'est genre, ce serait-tu n'importe quoi, comme ça, t'animes l'émission du matin. Puis, oui. Ah, c'est fou. Bref, position numéro 19 du côté anglophone, ce sera MGMT, ou comme je les appelle, Mugmit, avec Your Life is a Lie. Et du côté francophone, ça va être L'Art pour l'Art de Midi Cayenne Club. Faut pas me rester fou, édition New Shit, au 89 FM. Puis salut Jean-Philippe. À l'art pour l'art, parce que j'ai honte de notre monde, parce que je voudrais le guérir avant d'en mourir. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où commencer, pour faire renaître les rires, pour couper les barbelés, les faire sortir de l'enfer, ces filles, elles prises à mendier. Je suis aux prises avec ma carrière, je suis un idiot en dimanche. Nouvelle entrée. Here's the deal. Open your eyes. Your life is a lie. Don't say a word. I'll tell you why. You're living a lie. Your life is a lie. But you deny. You live a lie. Wondering why. Barely alive. Count your friends on your hands. Now look again. They're not your friends. Hold your breath. Everyone left. No surprise. Living a lie. Wondering why. Where in the world is that girl who knows it's alright to live a life waiting to die, not knowing that your life is a lie. Wondering why nobody writes hollow inside, bitter delight, fire and ice. Your life is a lie. MGMT, Your Life is a Lie, nouvelle entrée en 19e place anglophone. Et du côté francophone, nouvelle entrée de Midi Cayenne Club, c'était l'art pour l'art sur l'album Nana Boubou. Nana Boubou. Nana Boubou. Ouais, moi je pense qu'on va réentendre ces pièces-là assez fréquemment parce que Colin, hein, on est. On a du talent de trouver les bonnes chansons, hein. Ah, c'est terrible, hein. C'est on pas est nous vraiment autres. Bon. C'est ben vraiment oui, pas nous oui, oui, c'est le on. C'est fou. C'est, oui, c'est, mais c'est comme le on englobe. OK. C'est pas le même « on » que celui qui exclut la personne qui parle. C'est pas non plus le « on ». Non, puis de mettre aussi le « on » qui exclut la personne à qui tu parles. Ouais. Comme « hey, on pourrait faire ça, hein, puis que tu te rends compte que t'es tout seul à faire la vaisselle. Oh. » Oh. Oh. Ouais. Hey, parlant de « on », OK, est-ce que tu savais que la Chine était le plus grand producteur de cornichons? Non. Ouais, mais c'est l'Inde qui l'exporte le plus, donc la Chine mange vraiment beaucoup de cornichons. Ça, c'est des cornichons avec le « on » qui inclut la personne? Cornichon, je crois que oui, c'est inclusif parce qu'ils gardent beaucoup pour eux autres. Là, c'est okay. 25 000 tonnes aïe, de cornichons et ils ont 64 % de la production mondiale. Et après, ça tombe avec la Turquie à 4 %. C'est okay. Ridicule, la Chine, c'est des gros cornichons. C'est, oui, vraiment, c'est un peu insultant. C'est ce qui me rappelle que Colin, on est chanceux, tu sais, les cornichons sont tout le temps « rib for her pleasure ». Tout le temps. ça vient naturellement. C'est pour ça que les Chinois... Ouais. Les Chinois? « Rib for her pleasure ». Check, ouais. Tu l'as entendu, gars, il a fait « ah ». Ouais. Donc, vous êtes toujours pas mal assez fou. On est rendu en 18e place, du côté... Oh, encore? Ben oui, il aime ça, cornichon. Il aime ma voix... cornichonienne. Suave, oui, c'est ça. Ou qui a plus l'air d'un gars qui est en train d'ouvrir un pot. Là, t'es jamais chic quand tu ouvres un pot. Moi, j'aime ça ouvrir les pots. Moi, je suis du genre, ah ouais, passe-moi le pot, tu check-moi bien, je suis une femme forte. On est aussi du genre à tourner autour du pot de cornichon. Avant de se rendre au position numéro 18. Hein? Bon. Du côté anglophone, Beja Boulotte avec Promise Not to Think About Love. Alors que du côté francophone, on s'en va entendre Gros Boc des Frères Goyette. Colin, hein? Gros Boc, là, on parle-tu du boc de bière ou du boc l'élan qui fait un? On va écouter la tune, on va le savoir. Ok, go. J'espérais qu'il tombe sur un autre. Non, c'est assez. Ça va faire? C'est assez. C'est assez. Comme le petit poisson? Oui. Non, c'est un mollusque. Mollusque. Excuse-moi. Je pense. Ça se mange-tu, ça? Et des cornichons? Sûrement. Demande à un chinois. Ben loin d'un Hollywood, on m'a entendu chanter mal. Mais tiens, au minimum, t'auras été low profile. Au moins, essaye de mettre de côté mes gammes. J'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Jamais seul dans basse cour, chante le jour pis dans la nuit. Quoi, F mon coq, bombe le torse, prends du coffre. Puis chasse ma peur, lève mon col de blazer.

qui sont des cétacés. Moi, dans ma tête, un cétacé, c'était un mollusque, c'était petit, c'était mou. Puis là, je sais pas pourquoi, mais je m'excuse. Ben oui, ben tu sais, Caroline, j'espère bien, parce qu'on est une source d'information pour les animaux de l'océan. Non, j'ai quand même dit « je pense ». OK. OK. Mais je comprends juste pas pourquoi, à quel point j'étais dans le champ. Ouais. Tu sais que, juste une anecdote comme ça, là, ça va t'intéresser, j'en suis certain. Tu sais, les auditeurs d'Assemblage Requis, c'est des requins. Oui, oui. Requins, vraiment. Oui. Au palmarès, c'est fou, c'est des palmiers. Vous savez, vous êtes un palmier. Oui. Palmier, palmarès, bon. Les auditeurs de l'émission C'était fou à l'époque, qui est maintenant une chronique qu'on fait ici même au palmarès, c'est fou, c'était les cétacés. Ah! Oh! C'était fou, cétacés. Puis quand c'était vers la fin de la chronique, est-ce que les gens te disaient, bon là, Mathieu, cétacés? Cétacés, exactement. Ouais. C'est ça. Donc, surtout qu'on m'entend, on me dit cétacés, ça va faire. Arrête de parler, ça. Dans le fond, on traite de grosses baleines. Oui. Ouais. D'accord. Super. Avec un gros trou. Sur le top, là. Oui. OK, oui. Ouais. Donc, on est rendu à la position numéro... En fait, on saute par-dessus les 17 et 16 anglophones parce qu'elles ne sont pas nouvelles. En 17e, c'est Austria avec Home qui descend de la 5e. Et en 16e, ça descend de 4 Voices par Alice in Chains. Donc, on s'en va entendre du côté francophone la 16e et 17e place. Donc, on va entendre La fièvre des fleurs de Clopelgag et Accident de char de Mimi Van Der Glo. On parlera, c'est fou. Édition New Shit. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa réalité. Je l'ai connue en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu portes un nom de fleur qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. Tel qu'on s'est rencontrés, on s'est embrassés. Avant que nos deux mains se touchent et qu'elles ne fassent plus qu'une seule, les mains m'ont dit t'es fort soudé par le choc. C'est là qu'on explose. Mimi Van Der Loo et Accident de char, la dernière nouvelle entrée en 16e place francophone. Et juste avant, toujours du côté francophone, en 17e place, c'était La fièvre des fleurs de Claude Pelgag. Mm-hmm. Et Mathieu, est-ce que tu savais que Claude Pelgag vient de ma région, en Gaspésie? Ah, oh, un petit capucin, un petit chat. Non, elle vient de Saint-Andémont, okay. En fait, à côté. Un nom normal? Mais moi, j'ai. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas connu elle personnellement, mais j'ai connu son frère. OK. Ben, je sais pas si. Il s'appelait sûrement Claude Pelgag, non? Claude. C'est pas Claude, le masculin de Claude. Ben oui. Clotilde Pelgag, oui. Oui, non, c'est, on voulait ça faire. OK. Cool. Tu sais qu'on vient d'entendre comme une bonne presque dizaine de nouvelles entrées, 3 du côté anglo et 5 du côté franco, ça en fait 8, ça. Mm-hmm. Ça, c'est oui. Popé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on accueille autant de nouvelles pièces, là, mettons? Je sais pas. On leur a dit au revoir aux anciennes pièces qui nous ont quittés pour se sacrifier, pour laisser la place aux autres. Hein. OK, donc on parle de rest in peace. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis le précédent palmarès. Ce ne sont pas les

L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. Ce serait vraiment cool si on lui refaisait faire genre la chanson. Attends, mais recule un peu, juste un petit peu. Je recule un peu. Ouais, c'est agressant un peu. Mettons. Assemblage requis. C'est parfait, non? C'est hot, hein? Ouais. Assemblage requis. On va entendre Don't Get Heavy. Non, tu veux dire assemblage requis. Je pense que je me suis trompé, en effet. Donc, Fur Trade, qui vient de terminer ce bloc en 14e position anglophone. Ouais. Alors ça, du côté toujours anglophone, c'était The Lion par Monster Truck, qui monte de 5 places, qui était nouvelle la semaine passée. On a débuté en 15e position francophone. Qui était Amour d'amour de Sonny Duval. Faisons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. OK, c'est moi ou c'est toi qui es perturbé? C'est moi qui étais perturbé. Je me suis juste pas allé dans le bon, sens. T'sais. OK. Ouais, bref. Et on a sauté au début par-dessus Le Couleur et Femme qui descendent de la 4e à la 14e. Voilà, Franca. Et voilà. Là, on a compris notre bloc 3 quarts, mais c'est compliqué de faire les blocs 3 quarts, vous le savez, et on va en faire un autre. On est le même, on a ça. On aime ça, c'est compliqué à la vie. Pourquoi faire simple, tu sais? Donc, on va aller entendre un bloc composé des 12e et 13e places, sauf Caféine. Plus tard, il y aura Caveman et Paper Maps là-dedans. Mais on débute du côté francophone avec la 13e place, qui est Les Coloriers d'Alex Nevsky. Cette fois-là, on va l'entendre pour vrai. Wow. Tantôt, je l'ai annoncé, c'était pas ça. Là, mais... Hey, je m'en rappelais plus. C'est un palmarès C'est fou édition New Shit. 89.1 FM. Toi dans mon corps, oublions nos vies.

Caveman et In the City, ça monte de 5 places en 12e position anglophone. Avant ça, on a entendu Paper Maps en 11e avec, en 13e avec The Hedonist. Et en 13e place francophone, c'était Les Coloriers d'Alex Nevsky. Et malheureusement, on a sauté Caféine. Bon, on l'écouterait une autre fois. Ben, c'est ça. Quand on a, à un moment donné, trop de café dans le corps, c'est pas bon pour vous autres. Non, non. Ça donne envie de pipi. C'est la fin de la portion New Shit des Palmarès, c'est fou. On continue avec la portion Top 10 dans quelques minutes pour ceux qui nous écoutent le jeudi et le dimanche. Et sinon, demain pour ceux qui nous écoutent dans la reprise quotidienne du lundi au mercredi à 17h. Et voilà! À plus tard! On trouve une façon de dire, non? Vous-même. Bienvenue au Palmarès Fou édition Top 10 pour la semaine du 23 au 29 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Mm-hmm. Dans ce Top 10, on va avoir plein de bonnes choses à entendre, évidemment. La bonne musique, c'est le milieu du palmarès. Donc, c'est ça. C'est un peu comme le nombril. Oui, oui. Le Nick Clown dans la face du clown. La personne qui se fait les tous les bords dans un ménage à trois. Là. La crème glacée dans un autre de la crème glacée? Oui, dans une napolitaine, serais-tu chocolat, fraise ou vanille? C'est laquelle dans le milieu, donc? Je sais pas. Moi, je pense que je serais clairement chocolat. Je veux dire, honnêtement, non, dans une napolitaine, t'as tout le temps un gros trou dans le chocolat dans la vanille, puis t'as la fraise qui reste tout le temps un peu plus proche du bord. Non? La croûte? La croûte, non, mais je veux dire, tout le monde pige dans les deux autres couleurs. Personne qui veut la crème glacée à la fraise. Ben, moi, tu vois, je suis le genre à aimer le underdog et donc je choisirais la fraise juste parce que je veux pas qu'elle soit rejetée. Parfait. On commence avec les 10e places du côté anglophone, c'est de Pac 80 et Battering Ram. Et du côté francophone, ça monte d'une belle 10 places, d'un beau 10 places, je voulais dire d'une belle montée 10 places. Un beau 10 piastres. D'un beau 10 piastres de Princesse Carnivore, Violette Pie. Ouais, je le referai une autre fois. OK. Prise 2. Même si tu es belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, même si tu as mis ta petite robe d'été. Il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Les pieds dans le sable, le soleil jaune d'un dos, rien ne pourrait être plus beau. Ton sourire plein d'émail et ton chapeau de paille, rien ne pourrait être plus beau que toi. Il y a des fleurs partout par terre, il y a du steak partout sur ta robe. Tu es une fleur carnivore, je suis une fleur carnivore. Même si tu es belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu as mis ta petite robe à la tête, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, te voir, te voir, te voir, te voir. Tu es une fleur carnivore, je suis une fleur carnivore. Même si tu es belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu as mis ta petite robe à la tête, je ne peux plus te voir. Plus beau. Il y a du steak partout par terre. Il y a du... sang partout sur ta robe. Karma, karma, karma. 10. De Pack 80 en position 10, ça monte de 4 places. Et tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Princesse Carnivore de Violette Pie. Tu trouvais pas que c'était viril ou 4 places? Non. Non, hein. Pas plus que d'habitude, je veux dire. T'es Mathieu, ça marche pas. C'est masculin, Mathieu, ça marche pas ensemble. Si je te dis, mettons, Mathieu Plante, ça c'est moi. Oui. Okay. Et Jean-Philippe Charbonneau. Ouais. Okay. Et chroniqueur, mettons. Ouais. Et humour pas super grand calibre, mettons. Il y a comme trop de trucs dans ta charade, je sais pas. Trop d'affaires. Hein. Si je te dis, premier mot, sonne comme apprentissage. Balayage. Oui. Lavage, ménage. Lavage, balayage, ménage requis. Voici un instant classique. Tu veux un instant classique. Classique instantanément. Tu veux un instant classique. Classique instantanément.

C'est The Man, position 9, qui monte de 4 places en anglophone. Et en francophone, c'était Haïku de Lila Dissa. Oui! Un petit haïku. Un petit haïku, tout minuscule, avec des mots. C'est quoi un haïku? C'est plusieurs, c'est 7, 8, c'est 7. C'est un poème de 3 vers. 3 vers avec... Par contre, j'ai oublié le nombre de pieds. Moi aussi, c'est plate. Hein? On va faire un petit bloc spécial maintenant, à place de parler de choses qu'on ne connaît pas. Oui, on est bon là-dedans, parler de choses qu'on ne connaît pas. On est génial. On va donc retourner un petit peu en arrière avec une édition spéciale du bloc C'était fou. Mal là que ça s'en vient, je pense. C'était fou, c'est le bloc où on recule en arrière un petit peu. Par contre, d'habitude, on retourne dans les palmarès des années passées pour l'entendre des numéros 1. Une année donnée. Là, on varie un peu. Oh, charivari! Oui, on s'en va entendre des pièces qu'on n'a jamais entendues dans les palmarès, mais qu'on a beaucoup entendu assez fou à l'époque où les albums sont sortis. Genre, okay. slash retour dans le présent et dans le passé. C'est comme un genre de full flash rewind, you know? Bref, les tunes qu'on va entendre sont pas dans le palmarès, mais auraient dû l'être. Auraient dû ou l'être. Vont peut-être l'être un jour. Exactement, t'as tout compris, c'est génial. Bon, okay, cool. Donc, on s'en va entendre du MGMT, parce que si vous avez écouté notre portion New Shit, la première heure des palmarès, c'est fou, on a entendu une nouvelle pièce de MGMT qui s'appelle Your Life is a Lie, on a trippé ben raide. Ben oui, c'est MGMT quand comme même. Des petits fous, là, dans leur studio, puis on courait tous les bords, on a comme 2 mètres à faire, c'est pas même bien long. Oh, on était soufflés. Donc, on va retourner en arrière un petit peu entendre de vieilles pièces, une vieille pièce de MGMT et une de leurs plus récents albums. Donc, on va retourner pour commencer en. Attention, en 2008. Est-ce vrai? En 2008 pour Oracular Spectacular. C'était leur album qui s'appelait comme ça. Et la pièce Time to Pretend, ça va terminer le bloc. Par contre, on va débuter avec une pièce qui peut-être sera la prochaine du palmarès. OK. Quand sais-je? C'est sur leur merveilleux petit CD qui sort là. Mais oui, c'est celle-là qui sort là. Tu connais ça? C'est lui qui est MGMT. C'est le MGMT. Il s'appelle MGMT. De MGMT. OK. Clair, hein? Et on a des CD et vinyles à vous donner. Ah, t'es pas sérieux? Oui! C'est pour ça qu'on fait ça, là. Oui, c'est comme un coup de marketing. C'est hot, hein? On est bon là-dedans. C'est merveilleux. C'est un amalgame de jouer de la bonne musique et en plus vous donner des choses. Et en plus, remercier nos fiers commanditaires. hein, de chez Columbia Records. Donc, CD et vinyle à vous donner si vous nous appelez pour les auditeurs du jeudi au numéro suivant. Qui est le 819-376-5183. Et je le répète, parce que vous n'avez pas eu le temps de le prendre en note, maintenant vous le prenez en note, vous le mettez dans vos contacts sur votre cellulaire. Oui. C'est le 819-376-5183. Album de MGMT à gagner pour les auditeurs du jeudi. Et on prend les appels 4 et 5 pour l'instant, MGMT et Alien Days. 89.1 FM, c'est fou. Dernière fois pour le numéro, 819-376-5183. Oh yeah! Sometimes the windows combine with the seas in a way that twitches on, pick up the place where the spirit was slain. Hey, one foot leads to another. Nice full sleep, blue curtains, covers, sequins in the eyes. That's a fine time to dine. Divine who's circling, feeding the cards to the midwives. Love knows alien days, the non-stop alien days. Ooh, the alien days. Must have scaled the ship and joined the team for a ride. A couple hours to learn the controls and commandeer both my eyes. Quick gear, times are uncertain. 1 month crawling, next year blurring. Decades in the train, monograms on the brain. Decide what's worrying and what's moved on to the last phase. The floodgate billion days. A low note's alien days. The alien days. I'm C'était deux pièces de MGMT dans le bloc. C'était fou, des palmarès, c'est fou. Donc, on vient de terminer avec Time to Pretend, une pièce de leur album Oracular Spectacular, qui date de 2008, selon la date de dernière modification de notre système. Et, je suis pas sûr du tout. Et avant ça, on a entendu une pièce de leur nouvel album MGMT. Et puis, la pièce s'appelait Alien Days. Et c'était vraiment bon. Oui, vraiment très, très bon. On a passé un bon 10 minutes ensemble à écouter du MGMT. C'est le fun. C'est le fun. Si t'additionnes le 5 minutes du début de l'émission, c'est comme 15 minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, pour ce bloc, c'était fou. On remercie nos très chanceux gagnants des albums de MGMT. Par contre, il nous en reste encore. On a reçu une trollée, toi. Une trollée, une barouettée, une charruée. Une charruée, hein? Ouais, ça, c'est une charruée pleine. Merveilleux. Donc, on va faire tirer ça dans quelques secondes. Par contre, avant ça, on va vous présenter le prochain bloc. C'est les positions numéro 8. Du côté anglophone, ce sera Fruind de Braids qui monte de deux places. Et du côté francophone, c'est Stable. Et c'est Dans cette vie de Félix-Antoine Couturier. Oh oui, et 819-376-5183 pour le dernier album de MGMT. J'avais 9 ans il y a 3 secondes. J'étais presque en contrôle du monde. Libre et léger. Pris dans mon soude de neige.

c'était Braids. Et la position numéro 8, anglophone qui monte de deux places, c'est Fruen sur leur album Flourish Pirish. Et tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Félix-Antoine Couturier et la pièce Dans cette vie de l'album Fuir le plancher. Tout à fait. Ça veut dire sauter. Fuir le plancher. Oui. Oui. Ou l'antigravité, là, être astronaute ou. Jouer le basket. Oui. T'es tellement grand, tu fuis nécessairement le plancher. T'es plus souvent dans les airs qu'à terre, sûrement. Bref, les nains sont pas de ce genre-là. Non. Fuir le plancher. Ils sont attirés par le plancher, c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de les kicker à terre. Ou que, tu sais, c'est comme parce qu'ils rentrent par en dedans, tu sais. C'est pour ça qu'ils. C'est déplacé un peu, par exemple, ça. Non, mais c'est beau, nain. Est-ce que ça existe du nanisme? Pas nanisme, parce que ça, c'est être nain. C'est ça? Oui, le nanisme existe. Ouais, mais le être naniste. Naniste. Naniste. Ça, c'est essayer d'être nain. C'est ça. OK, c'est comme enthousiasme et enthousiaste. C'est ça. Mais là, c'est nanisme et naniste. Oui. OK. Donc, en position numéro 7, en fait, on va sauter par-dessus la francophone qui est comme, qui commence à être vieille un peu, cette cadence de Navarre, pour l'entendre à la 7e anglophone. Ah oui, on s'en va entendre Bear Mountain et la pièce Two Step. Et Two Step, c'est comme One Two Step. One Two Step. One Two Step. Et aussi, Two Step et le nombre de pas qu'un nain doit faire pour attraper quelqu'un qui est d'une taille normale. Ça, c'est énorme. Non, mais ça fait ça quand on marche côte à côte. Il y a ça, mais j'ai de très longues jambes. Pas moi. Ça s'annule. J'ai comme une jambe complète de la grandeur d'un... D'un nain! En fait, mes jambes sont faites de nain. T'as des petites têtes de nain, genre... Ça, c'était comme quatre petites jambes en bas. OK, là, ça va trop loin, puis on est rendu déplacé. On annule tout ça, on fait comme si on n'avait rien dit. OK, ben, c'est pas le même assez fou édition top 10. L'AGE UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Palmarès, c'est fou, la la la. Non? Non? Ben, pourquoi pas? Dans ma tête, c'était beau. Donc, on vient d'entendre San Francisco et Awkward en sixième place qui monte de deux. Et en sixième place francophone, on a entendu Summerland et Coup de vent. Oui, on saute par-dessus Navarre avec Ta cadence en septième franco et on a entendu Bear Mountain au début avec Two Step en septième anglophone. C'est la fin de la portion top 10 des Palmarès C'est fou. On se retrouve soit dans quelques minutes pour les gens du jeudi ou du dimanche et sinon demain pour les gens qui nous écoutent du lundi au mercredi à 17h. Et voilà, c'est un beau résumé. À plus tard, Steph. Bye. À tantôt, Mathieu. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou édition top 5 la semaine du 23 au 29 septembre 2013. Elle s'appelle Stéphanie Paradis. Lui, il s'appelle Mathieu Plante. Est-ce que t'es en train de rire de l'espace entre mes mots? Oui. Espèce de toi là! Donc, édition top 5, on va entendre deviner quoi le top 5 des palmarès de C'est fou. On va savoir d'ici la fin de l'émission. C'est le numéro 1 en anglophone est toujours de Cal Empire et Brighter Than Gold. Et est-ce que c'est encore en francophone Don't Get La de Mister Valère? On se le demande. Don't Get No. Satisfaction. C'est ça. Ou encore comme je ne sais pas. Don't Get No. Je la comprends pas. Don't Get No. T'appoignes pas? Non. Du côté anglophone, la cinquième place est occupée par Zeus et The Ballad of El Gudo qui descend de deux places. Et du côté francophone, ça monte de cinq places et c'est l'homme éléphant de El Motor. Un éléphant qui fait... C'est un moteur d'éléphant? Ouais. Pas très effet, ça marche. years ago my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard at times like now to hold on. My guns, they wait to be stuck by, and at my side is God. There ain't no one going to turn me around. There ain't no one going to turn me around. There's people around who tell you what they know. There's places they can send you. Et The Ballad of El Gulo, qui descend de deux places en cinquième anglophone. Et en cinquième francophone, c'était L'Homme éléphant d'El Motor. J'aime ça dire ça, El Motor. Moi, j'aime ça dire comme les éléphants, comme dans la chanson. Mais je pense que c'est ça qu'il dit, mais je suis pas sûr. Comme les éléphants. Ça me rappelle le nom, tu sais, la journaliste qu'on avait. Là. Oui, Adele Valley. Adele Valley. J'ai toujours aimé ça. Ça roule dans la bouche, mais pas comme quelque chose de pas bon quand on mange. Non. Mais ça roule dans le sens que ça coule, ça glisse ça slide. C'est ça. Mais tu sais, il y a des expressions comme ça. Oui, slide, j'aime ton mouvement. Il y a des expressions comme ça qui peuvent être utilisées, tu sais, positivement ou négativement. Tu sais, comme genre, waouh, c'est donc bien écœurant, tu sais. Mais oui. Ouais. Ou genre, ça, crème, ça, c'est un jeu de mots de Mathieu Plante. Ça peut être, ah, ça, c'est un jeu de mots de Mathieu Plante. Ça dépend de l'intonation. C'est ça. Ou ça, c'est un jeu de mots de Mathieu Plante, tu vois. Ouais. Ça peut être positif. Là, tu te prépares déjà pour les premières places. Tu nous avertis que ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut pas dire que c'est bon non plus. C'est comme du tofu. Mais ça va rouler, oui, ça, comme du tofu ça, qui roule. Ça dépend avec quoi tu le mets. Aha! Donc, pour les jeux de mots, il faudrait le mettre avec quelque chose de bon. Il faudrait se les mettre à quelque part dans de bon. Dans le tofu. Dans le tofu. Mets ça dans ton tofu. Position numéro 4 du côté anglophone, ce sera Sedwell et I Love You Stable. Et on s'en va entendre l'ancien numéro 1 du côté francophone et c'est Don't Get La de Mister Valère. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou édition! Top 5! Pas dans le même ordre que d'habitude, fait que pas habitué, t'sais. She had a very adult. Wow! C'est The Whaley, I Love You, stable en quatrième place anglophone. Et de côté francophone, on a débuté ce mais solide bloc musical avec Don't Get La de Mister Valère. Non, mais pour vrai, c'était le bloc de la semaine. Hey, mais c'était quelque chose, là. Ça se peut pas, c'est coup sur coup. Badaboum, badabing! Ah! On est rendu au troisième place. Avant de se rendre au troisième place, Colin, juste le temps de vous dire qu'on a du fun puis on a des domaines de musique, fait qu'il est resté jusqu'à la fin, tu sais? Ah ben oui. J'avais rien de plus à dire. OK. T'as-tu de quoi de plus à dire, toi? Savais-tu que Beluga, je me souviens pas ça vient de quelle langue, mais c'est un autre nom pour la baleine blanche, mais Beluga, dans l'autre langue, là, donc j'ai oublié l'origine, là, ça veut dire blanc. Fait que Beluga, ça veut dire blanc. T'sais, baleine blanche, ben Beluga, blanche. Blanc. Il y a des affaires là-même avec des noms redondants, même. C'est comme, mettons, Peter. Tu sais, c'est deux fois Pierre. Ouais, c'est Pierre au carré. C'est ça, Pierre au carré. Ouais. Pierre au rein, Pierre au carré. Ouais, il y a Pierre au foie aussi. Oui. Puis Beluga, c'est le frère de Bill Murray, ça. Beluga? Ouais, Bill Murray. Je sais pas. C'est... Non, mais tu te trompes, là. C'est pas le prénom qui fait la famille. Ah, OK. C'est pour ça qu'il appelle ça nom de famille, dans le fond. C'est ça, fait que non, je te confirme, t'es pas parent avec Mathieu Roy. Non, ben maudit, j'avais avancé la théorie ce matin à l'assemblage requis, puis finalement c'est faux. T'as-tu vu? J'écoutais. Tu m'écoutais pour une fois, hein, c'est... C'est ça. T'étais tellement fidèle avant. Oh, en tout cas. Oui, je suis vraiment rendue une putain maintenant. C'est ça. Oui. Donc, du côté anglophone, la troisième position, c'est Dallas Urbones et Nothing Left Between the Lines qui monte de la 19e place, mais elle avait descendu. Donc, il y avait des genres de grosses vagues. Là, un peu montagne comme, russe. Oui, un peu comme quelqu'un qui prendrait beaucoup, beaucoup de poids. Qui prendrait beaucoup, beaucoup de poids. Qui remonte. Comme un Beluga. Est-ce que tu parles de moi, là? Je parle de Beluga. OK. Ou de Bill Murray. Mais je suis blanche. Oui. Je confirme comme que t'es de l'extérieur et de l'intérieur. L'intérieur? Le Sunday, c'est intérieurement blanc. Ah oui, mais moi, je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'on me coupe en deux. Je pense que c'est saignant. On a vraiment déraillé, hein? Fait que du côté francophone, on va commencer avec « Ces bottes sont faites pour marcher » de Michelo. Et ça a monté de 13 places. Ouais. Puis, et ça a pas fait de montagne russe, par contre. C'est monté directement de la 16e, puis fouette, au plafond. Wouh! Ça, c'est une montagne russe. Wouh! C'est pas mal assez fou. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher, et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi, et tu ne sais jamais où est la vérité. Pour te quitter. On vient d'entendre. La position numéro 3 anglophone, c'est Dinosaur Bones avec Nothing Left Between the Lines qui monte de la 19e place. Et juste avant, du côté francophone, ça montait de la 16e et c'était Ses bottes sont faites pour marcher de Michelot. Oui, et ses boutons sont faits pour être appuyés dessus pour parler. Oui, c'est très drôle pour une fois que c'est toi qui parles, le micro fermé. C'était de toute beauté. Je le fais à toutes les semaines avec au moins un chroniqueur, tu sais, que j'oublie d'ouvrir son micro ou que la personne ne prend pas le micro que je suis habitué que quelqu'un prenne, c'est d'habitude, non? Oui, mais là, tu t'es auto-pas ouvert. Auto-censuré, qu'on appelle. Ah! Oh. C'était le temps de crier des obscénités. Ah! Donc, avant de passer au numéro 2, Steph, le temps file, on arrive près du numéro 1. T'es trompé, tu devrais dire Steph. Parce que toi, c'est Mathieu. C'est plus fendant de dire ça comme ça. Hein? Mathieu. Donc, avant de continuer, on va reculer un petit peu. On va aller voir ailleurs un peu. On va comme s'aîner sur le rebord de la clôture du voisin, mais de notre propre clôture qui sépare une de nos pièces à nous-mêmes parce que ça reste dans le C'est fou, mais c'est pas ailleurs. C'est compliqué pour rien, hein? OK. On regarde dans une pièce, on n'est pas habitué de regarder, c'est-à-dire ailleurs dans les palmarès. Voilà. Donc, moi, je te propose qu'on aille voir le top 30 des albums. Bonne idée. Donc, on a deux nouvelles entrées dans le top 30 des albums. Donc, en 19e place, on a MGMT avec l'album MGMT. Cool. Donc, on se casse pas la tête avec ça. Et en 18e, on a Basia Boulat. Est-ce que c'est comme ça que tu le prononces? Après, oui. Basia Boulat avec l'album Tall Tall Shadow. Alors que dans le top 3 des top 32 albums, on a les trois premières places. En troisième, ça montait de 17 places. C'est quand même Dinosaur Bones avec l'album Shaky Dreams. En deuxième, c'était l'ancien numéro 1, c'est The Cat Empire avec Steal the Light. Et finalement, la première place cette semaine, c'est Imaginary Cities et Fall of Romance. Ensuite, je reprends mon souffle. Dans le top 3 des disques canadiens, Mathieu, écoute bien ça. Là. Je t'écoute, okay. Stéphanie. En troisième place, on a Set the Whale avec l'album Hawaii. Et c'est stable. Ensuite, ça a monté de 18 places. En deuxième, c'est Dinosaur Bones et Shaky Dreams. Et finalement, en première place, Imaginary Cities avec l'album Fall of Romance. Ensuite, on passe au top 10 Loud, qui est un petit peu plus compliqué à prononcer. Par contre, il n'y a pas de nouvelles entrées, donc c'est le fun pour moi. En troisième, c'est l'ancien numéro 1, Alice in Chains et The Devil Put Dinosaurs Here. En deuxième, c'est stable, Revocation et l'album Revocation. Et en première, ça monte de 3, c'est Life Sentence par Satan. Ensuite, dans le top 5 des musiques du monde, nouvelle entrée en cinquième place pour Cabalistic. Pas Cannibalistic, ça serait bien trop ridicule. Cannibalistic Snare avec Anachronic Electro Orchestra. En troisième, c'est l'ancien numéro 1, La vie en vert de Karim Diouf. En deuxième, ça monte de 2, Traces of You par Anushka Shankar featuring Norah Jones. Et en première place, ça monte de 2, c'est Emanin Bas Zihoun de Tammy Crest. C'est une sorte de pâte à dents aussi, je crois. C'est oui. Tammy Crest. Puis Karim Diouf, là. Super avec Karim Ouellet. Oui. À cause du prénom, évidemment. Ça, c'est ce qui rassemble les gens, le prénom. Oui, exactement. Comme, comme toi et Mathieu Roy. C'est exactement la même chose. Ouais. Mon frère de... De sang. De poêle. Ton frère de poêle. Mon frère de poêle. C'est dégueulasse. Mais hein! Salut, Mathieu. Mon homonyme. Oui, c'est comment, ça. Comment. Il y en a beaucoup, des Mathieu. Des homonymes. Il y a beaucoup d'homonymes, c'est vrai. On a une grande famille. Ouais. Oui. On a aussi des hétéronymes. Des... Position numéro 2. N'importe quoi. Du côté anglophone, c'est The Cat Empire et Brighter Than Gold, lancé numéro 1. Et du côté francophone, ça a monté de 10 places. C'est Petit Pain de Panache. Petit Pain de Panache au palmarès fou. Petit Pain de Panache au palmarès fou. Hey, j'aime ça. C'est un rap, man. C'est une allitération, mon cher. I'm a rap, man. Le rap, le roulé, là, avec une tortilla. Sans commentaire. Je ne ferai pas le camp d'entraînement. Je n'y serai même pas évidemment. Pas de médaille du gouverneur général, c'est quand j'ai tout à chez moi. J'y vois pas pour l'instant. Trop d'inconvénients. Je n'irai pas à 89.1. Deux. Four steps in the morning, the two steps in the day, the three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood. What a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie. And all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. But Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes it pirouette, the gods cry from above. And all the rain keeps falling on bare feet in the mud. Empire, le succès de tout le monde, c'est leur pièce préférée, c'est normal, c'est la meilleure. C'est normal, il y a un chat dedans. Il y a un petit chat dedans. The Cat Empire avec Brighter Than Gold, ancien numéro 1. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Petit Pain de Panache. Oui, Petit Pain de Panache, je peux le balancer fou. On l'a fait tantôt, mais c'était aussi drôle. Mais c'est parce que c'est agréable à dire. Oui. Il y a certains mots ou associations de mots qu'on a le goût de propulser. Par exemple, Omnium. Je suis même plus sûr c'est quoi le vrai mot. C'est l'omnium. Omnium. Mais c'est tellement bon. Dans le sens que les groupes qu'il y a là-dedans, dans l'omnium du rock qu'on annonce ici, c'est fou. C'est tellement bon que t'as envie de faire omnium du rock. C'est vrai, c'est vrai. Ou c'est comme sinon, tous ensemble, lâche pas la patate! Tu sais, c'est hot de dire ça. C'est Valentine, lâche pas la patate. Non, mais ça se dit pas particulièrement bien. Mais une poutine de Valentine, ça rentre bien dans la bouche, par contre. Oh, poutine de Valentine, ça rime aussi. Et c'est delicious in the mouth. Fait que moi, je vais prendre un numéro 1. C'est quoi ça, un numéro 1? C'est une petite poutine. Évidemment. Avec un breuvage. Puis deux hot-dogs vapeur. Puis moi, je vais te prendre un ketchup mayo, s'il te plaît. Wow. Ben, si je travaillais chez Valentine, je te servirais. Mais merci. À la place, je suis pas là parce que il y a seulement des gens avec, disons, une bonne attitude. Des gens sympathiques qui travaillent chez Valentine. Et moi, ben, des fois, je peux être bête. Fait que je travaillerai pas chez Valentine. Hein? C'est vrai que t'es bête. Tu vois, on a l'air de deux maudits vendus en vantant les produits de Valentine pour rien du tout. Mais c'est comme ça, on les aime. Donc, on est rendu au position numéro 1, mais il est un petit peu tôt dans l'émission. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Donc, à la place, on va retourner un petit peu en arrière dans des choses qu'on a sautées, les pièces bonus du palmarès. On va les laisser se désirer. Et voilà. Donc, tout à l'heure, on entendra en 11e place anglophone Rara et Twenties, mais on débute en position numéro 11 francophone. Oui, on s'en va entendre. Oui! J'aime ça! Dans les headclaps! Wow! Tellement excité, en direct à manger de Valentine. C'est comme le nom de l'album. Ouh, ouh, ah! Au palmarès, c'est fou! 82 fois! Rends-moi un instant dans tes bras. Je me sens libre, peu importe où l'on va. Car avec toi, le monde n'existe pas. Prends-moi ces pouces que j'aime ça. Quand tous les deux on rit aux éclats. Et tout d'un coup on ne bouge plus d'un iota. Que c'est marrant et tellement dans le vent. Le jour, la nuit, je ne pense qu'à toi. Je me sens vide quand tu n'es plus là. Le temps s'arrête, plus rien ne va. Les larmes tombent, je sens mon cœur qui va. Prends-moi ces pouces que j'aime ça. Quand tous les deux on rit aux éclats. Et tout d'un coup on bouge plus d'un iota. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. We'll be right back. C'était les 11e positions. On recule un petit peu, plutôt en palmarès. Donc, en anglophone, c'était Rara et Twinnies qui montent de 5 places. Et du côté francophone, aussi à 11e place, c'était J'aime ça de les Handlaps. Mm-hmm. Et tant qu'il a patienté jusqu'à l'arrivée de nos numéros 1 à la fin de l'émission, dans une, dans à peu près 10 minutes environ qu'on va faire les numéros 1, on a encore un petit peu de temps pour retourner encore en arrière. Et plus tard, on va terminer avec Astra et la 17e place qui est occupée par Home. Mais là, là, en francophone, on s'en va en 12e place. On s'en va entendre L'Orpheline de Caféine. C'est pas mal, c'est fou. C'est comme Poutine Valentine, ça rime. Orpheline, oui. Caféine, Poutine Valentine, Térébenthine, Réglantine, oui. Vaseline. Oh. Du soleil. En toi la lienne qui colle, toi qui me défends, qui souhaite Cannabine. Crayon à mine. Ouais. Chocolatine. Ouais. Justine procrastine. Évidemment. Dentine, la gomme. Oui, la gomme dentine. La gomme dentine. On continue les rimes qu'on a faites tantôt là, sur les in. On était rendu là. On, tout le long, en rond, on a sorti comme sûrement 1500. Oui, sauf oui. Que vous les avez pas entendus, évidemment. Ça, c'est comme le jazzler. C'est comme le jazzler. Oui, où une chanson est en train de jouer. Là, ça arrête ça, parce qu'on commence à en c'est ça. Puis après ça, on repart en ronde ou en la sécheuse, comme il est marqué dans la programmation, c'est de la musique random, ben ça commence à rejouer. Mais ça joue jamais tout arrêté, long. Là. Ça n'a jamais arrêté, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Moi, je me suis compris, en tout cas, quand j'ai dit ça, peut-être pas vous. C'est du behind the scenes, mais tu sais, c'est le système qui joue quand c'est pas un animateur live. Exactement. Voilà, c'est beau. Donc voilà, on vient de reculer un petit peu dans le palmarès avec des pièces bonus. Et là, on est rendu au numéro 1. Et numéro 1 veut dire essentiellement que je dois. Oui, tout le monde m'applaudit dehors. Je sais pas sûrement. On m'a proposé de jeu de mots, Mathieu Plante, jeu de mots, Mathieu Plante, jeu de mots, Mathieu Plante, jeu de mots, Mathieu Plante. C'est ça que ça donne. Les gens sont fébriles. Fébriles, ils veulent des jeux de mots de Mathieu Plante. Donc, du côté de la position francophone, Colin, moi, tu sauras que même si je suis en onde seulement 4 jours semaine, essentiellement, je fais du lundi au jeudi, le matin, l'après-midi, bon, etc. Un peu n'importe quand. Un peu n'importe quand, mais je fais des jeux de mots à l'année. Tous les jours, 365 ou 6 ou 7, non, ça, ça ne se fait pas. 366 jours par année max. Ça s'arrête à 66, à moins qu'il y ait un 31 avril. Un 31 avril, oui, comme j'ai déjà entendu dire qu'il y avait un 31 avril, ou c'était un 31 septembre aussi, je pense qu'il y avait. À certains endroits dans le monde. Okay, en Asie, je pense qu'il y a un bref. Mais ça, je fais toute l'année, je travaille sur mes jeux de mots. C'est comme ça, c'est comme un gars qui planche vraiment à. Qui est là, puis qui est sur le bord du lac, mettons, à la pêche, le lac, mettons, Estion. Il va quand même se créer des jeux de mots, un peu, tu sais. Puis ils vont venir, éventuellement, je vais les dire en ondes. Même si je travaille dessus à l'année longue à la maison, ça veut pas dire que je vais les dire en ondes. Mais tôt ou tard, peut-être que. Je vais dire en nom, peut-être. Sinon, au pire, je vais me créer une ville avec ma propre population, un roi, des serviteurs, etc., dans une ville imaginaire et je vais leur dire mes jeux de mots. Je vais me créer un monde à moi à part entière, comme dans un conte pour enfants, tu comprends? Donc voilà pour mes jeux de mots. C'est beau, c'est beau. Donc, bien entendu, vous n'avez pas tout compris. Moi non plus. Le public d'or continue d'applaudir. Jeux de mots, Mathieu Plante. Ah oui, mais c'est parce que là, ils ont hâte que je leur dise qu'est-ce qu'il va jouer. Ah! Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, on va entendre les numéros 1. Donc, du côté anglophone, ça a monté d'une place. Et c'est Sooner or Later de Imaginary Cities. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça a monté d'un beau 12 places. Et c'est une année de travail de la question. Là, si on arrête de parler puis que je monte les micros au bout, là, on va les entendre, les jeunes. Attention. Mathieu Plante, jeu de mots. Mathieu Plante, jeu de mots. Mathieu Plante, jeu de mots. Trop fort. Les détours de la vie m'ont mené ici en ce jour d'euphorie. J'aurais bien envie de rester ainsi. Jamais étendu sans aucun projet, je pourrais rester nu dans ce monde parfait, mais c'est impossible. Une année de travail et si peu de repos. première position. Numéro 1, les palmarès de cette semaine, mais avant de dire le numéro 1, un petit récapitulatif pour faire durer le plaisir. En anglophone, troisième place, c'est Dinosaur Bones et Nothing Left Between the Lines. En deuxième, l'ancien numéro 1 de Cat Empire, Brighter Than Gold. Et on vient d'entendre Imaginary Cities qui monte d'une place avec Sooner or Later. Et finalement, le numéro 1 de cette semaine en francophone, une année de travail de la question. C'est tout. Et voilà. Une semaine de travail au lieu d'une année pour nous autres. Oui. Une fois par semaine, on se retrouve pour les palmarès C'est fou en direct les jeudis entre 15h et 18h. Et ça fait du bien. Oh, on aime ça, c'est notre soulagement de... Ça a l'air bizarre de même. Ouais. On se vide le... Ouais, non. On repasse les dimanches à midi en édition complète. Et la version quotidienne de l'émission, c'est lundi, mardi, mercredi entre 17 et 18h. Lundi, édition New Shit. Mardi, top 10. Mercredi, top 5. Aussi simple que ça. Pas mal ça. Merci Stéphane Perret. Merci Mathieu. À la semaine prochaine. Bye. Bye.